بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حق حمده، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا حمة الشيخ وحضوري لنا بهذا المحضر، ولتطفي بنظرة تطفي لنا بظفري. الحمد لله، الحمد لله. Dans la sourate Al-Imran, Allah nous dit « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت نودي على الناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين » Allah nous indique ici que « إن أول بيت نودي على الناس » que la première demeure, « أول بيت نودي على الناس » qui a été édifié pour les hommes, c'est-à-dire nous dit Baï dans son tafsir « fil ardi » sur la terre, L'alladhi bi bakata mubarakan, c'est la demeure bénie de Baka. Wahudan lil alamin, en tant que guidance pour les mondes, guidance pour les univers. Baka, pour désigner Makka, ou Baka, nous dit Baï, pour désigner d'une manière particulière l'endroit précis et spécifique sur lequel la Kaaba a été érigée. Lorsqu'il s'agit de mentionner l'édification de la Kaaba, Allah nous dit notamment dans la sourate Al-Baqarah, l'édification auquel a procédé Sayyidina Ibrahim, accompagné de son fils Sayyidina Ismaïl. Allah dit Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayti wa Ismaïlu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim. Lorsque Ibrahim et Ismaïl ont élevé les assises de la demeure, min al-bayti, c'est-à-dire de leur édification de la Kaaba, Sayyidina Ibrahim a prié « Rabbana taqabal minna »« Ô Seigneur, agrée-le de notre part, agrée-cela de notre part »« Innaka anta samiul alim »« Tu es certes audient et omniscient » Puis a prié « Rabbana waj'alna muslimayn laka »« Fait que nous te soyons tous deux pleinement soumis »« Wa min dhuriyatina ummatan muslimatan laka » Et fait que « min dhuriyatina » fait que parmi notre descendance, c'est-à-dire nous dit Baï dans son tafsir « Auladina » parmi nos fils, il y ait Ummatan muslimatan laka, il y a une communauté qui te soit soumise. Shah al-Islam nous dit dans son tafsir que Alama anabardu dhuriyatihi min adh-dhalimin, que Sayyidina Ibrahim, il savait que parmi sa descendance, il y aurait des injustes, min adh-dhalimin, il y aurait des mécréants. Falihadha tadaba minhu an takuna minhum ummatan muslimatan. C'est la raison pour laquelle il a formulé sa prière en demandant à Allah que Minhum, que parmi eux, parmi ses ans, parmi ses descendants, Ummatan Muslimatan, il y a une communauté qui reste, qui demeure permanemment soumise à Allah. Wa arina manasikana, et montre-nous, indique-nous, c'est-à-dire nous dit Baï, fais-nous savoir nos rites. Wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim, et accueille notre repentir, c'est toi certes l'accueillant au repentir et l'infiniment miséricordieux. Dans son tafsir al-Qur'an, Shah al-Islam al-Hajj Ibrahim Anias radiallahu anhu nous dit que Baytullah, tabarak wa ta'ala, la demeure d'Allah, tabarak wa ta'ala, Allah en a fait un lieu de rencontre, un lieu de convergence, un lieu de visite et un lieu de sécurité. Il s'agit de la Kaaba, elati bi Makka ou bi Baka, de cette Kaaba qui se situe à Makka, où, comme on l'a énoncé dans ce verset de la sourate Ali Imran, ou qui se situe à Baka. Baka pour désigner Makka, ou Baka pour désigner seulement et spécifiquement le lieu sur lequel a été érigée la Kaaba. La Kaaba, nous dit Baï, a été construite et reconstruite à 10 reprises. Elle a été construite une première fois par les Malaïkas, une seconde fois par Adam. Elle a été reconstruite ensuite par Shith ibn Adama, dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Elle a été construite et reconstruite une troisième fois par Shith, le fils d'Adam, l'ancêtre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis elle a été, après le déluge de l'époque de Sayyidina Nuh alayhi salam, la Kaaba a été reconstruite une quatrième fois par Sayyidina Ibrahim, et c'est cette reconstruction précisément qu'Allah nous mentionne dans ce verset « Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismailu » mentionnant que Sayyidina Ibrahim, épaulé et accompagné par son fils Sayyidina Ismail, ont élevé les assises min al-bayti de la demeure d'Allah pour cette quatrième édification. Puis nous dit Baï, après Ibrahim, La Kaaba a été reconstruite par l'Amalika, puis elle a été construite par Jurhum, puis par Qusay ibn Kilab, l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle a été reconstruite par Quraysh, puis par Abdallah ibn Zubayr, puis par Al-Hujjaj. Et cette construction est celle qui est présente jusqu'à nos jours, nous dit Shah al-Islam. Les malaïkas ont eu à. Shah al-Islam continue dans son tafsir en nous disant que les malaïkas, ils ont offensé Adam. Mais après cela, ils se sont repentis auprès d'Allah et ils ont imploré le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Eux, les malaïkas, auprès d'eux, il y a ce qu'on appelle Bayt il-Ma'mour. Et Bayt il-Ma'mour, c'est la Kaaba céleste. Autour de cette Kaaba, les malaïkas tournent. Daiman, nous dit Bay, les malaïkas tournent perpétuellement, continuellement. Alors Allah leur a ordonné de construire pour Adama la réplique de cette Bayt il-Ma'mour. Alors ils ont construit la Kaaba. La Kaaba comme une réplique exacte de Bayt il-Ma'mour qu'ils sont venus placer sur la terre. Adama lui-même a eu à donc à faire le pèlerinage jusqu'à la Kaaba. Shah al-Islam nous indique que 40 fois Adama est venu depuis l'Inde, min al-Hind ila Makkah. Il a fait le voyage depuis l'Inde jusqu'à Makkah pour faire le pèlerinage à la Kaaba. Lorsque Adama est descendu sur terre, lorsqu'Allah a fait descendre Adama sur terre, il est arrivé sur terre, sur les terres de l'Inde. Et le voyage de l'Inde jusqu'à Makkah, 40 fois Adama l'a fait pour faire le pèlerinage. Alors, Shah al-Islam nous rapporte qu'on a un jour demandé, il y a Rasoul, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Makana yarkabou, mais qu'est-ce que Adama pouvait chevaucher comme monture pour faire ce déplacement de l'Inde jusqu'à Makkah? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Aïdabadin tahmilu Adama, mais quelle monture pourrait porter Adama? Ainsi, aucune monture, aucun animal ne pouvait porter Adama. Hatal fil, nous dit Bay, c'est-à-dire même pas un éléphant. C'est donc à pied, en marchant, à partir des terres de l'Inde jusqu'à Makkah, que, à 40 reprises, Adama est venu faire le pèlerinage à la Kaaba. Puis, lorsqu'est venu le temps du déluge à l'époque de Sayyidina Nour, alayhissalam, les malaïkas ont soulevé la Kaaba jusqu'au ciel. Et ils ont pris al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, pour la placer sur la montagne de Abi Qubays, dans les alentours de la Kaaba. Lorsqu'est arrivé ensuite le temps de Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, lui, il est originaire du sud de l'Irak, dans la province de Koufa. Puis par la suite, il a eu à se déplacer et à émigrer vers les terres de Palestine, qui est une partie de la province de Cham. Sayyidina Ibrahim, comme nous le savons, était marié, avait pour épouse Sarah, la plus belle femme du monde. Sarah avait, elle et auprès d'elle, une servante du nom de Hajar. Prenant de l'âge et n'ayant pour le moment jamais eu d'enfant, jamais eu de fils, Sarah a donné Sayyida Hajar à Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, en lui disant que avec elle, tu pourras avoir des fils, tu pourras avoir une descendance. Sayyidina Ibrahim a donc eu un enfant avec Hajar, la servante de Sarah. Elle a eu un enfant, un fils, du nom de Ismaïl. Shah al-Islam nous dit Wal-riratu qad tuadi ila al-hamal, que parfois même la jalousie peut être telle que ça peut même te faire tomber enceinte. Alors, elle qui pour le moment n'avait jamais eu d'enfant, qui n'avait jamais pu en avoir, voilà que Sarah, très jalouse de Hajar, voilà que Sarah est à son tour tombée enceinte, a eu un fils, Sayyidina Ishaq, alayhi salam. Ainsi donc, nous rappelle Shah al-Islam, Fakana Ismail, wahu akbaru min Ishaq. Ainsi donc, Sayyidina Ismail, il est plus grand, il est plus âgé, il est l'aîné de Ishaq. Et lorsque très petit, ils sortaient pour jouer tous les deux, Ismail tapait Ishaq. Et celui-ci allait pleurer auprès de sa maman, ce qui fâchait vraiment Sarah. De telle sorte qu'un jour, elle s'est adressée à Sayyidina Ibrahim en lui disant que cette servante qui t'appartient maintenant, qui t'appartient aujourd'hui, son fils, chaque jour, tape le mien. Je ne peux plus supporter ça. Donc, fais-la sortir. Fais sortir cette servante parce que je ne peux plus vivre auprès d'elle. Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, a chevauché sa monture en emmenant avec lui Hajar et Ismaïl. Et ils ont voyagé. Et ils ont voyagé depuis donc la province de Cham jusque vers les terres de la Kaaba, ces terres où avait été érigée la Kaaba, qui n'était alors qu'un désert, immense désert aride. Pour leur voyage, ils n'avaient pris que très peu de provisions, une petite quantité d'eau et un sac de dattes seulement pour voyager. Après un long voyage, pendant que le voyage commençait à durer, voilà que Hajar a interpellé Sayyidina Ibrahim. Ya Ibrahim, ya Ibrahim, oh Ibrahim, oh Ibrahim. Mais Ibrahim, il continuait, il avançait, il marchait encore et encore. Jusqu'à ce que Hajar lui demande, Allahu amaruka bihadha, ya Ibrahim, est-ce que c'est Allah qui t'a donné cet ordre-là, oh Ibrahim? C'est-à-dire, est-ce que c'est Allah qui t'a donné l'ordre de nous emmener si loin et de nous laisser dans ce désert aride? Voilà, Sayyidina Ibrahim lui a répondu, Naam, oui. Oui, ceci provient d'un ordre, d'un commandement d'Allah. Alors, Hajar lui répond, alors, va où tu veux. In kana amrullah, et si c'est un ordre d'Allah, fala lui ne nous abandonnera jamais. Après plusieurs jours, où il les voilà seuls en plein désert, voilà qu'ils n'ont plus d'eau. Hajar et son fils Ismaïl, fils de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il n'avait plus d'eau de telle sorte que Sayyidina Ismaïl, très jeune enfant, était tellement assoiffé que il allait en mourir. Alors Hajar est sorti du campement qu'ils avaient occupé. Elle est sortie de son campement et elle est partie en direction de la montagne de Safa pour essayer de trouver de l'eau, pour essayer de trouver quelque chose à boire. Mais là-bas, elle n'a rien trouvé. Alors elle est revenue sur ses pas et elle a été en direction du mont Marwa pour trouver la même chose, pour essayer de chercher de l'eau et quelque chose à boire. Mais n'y trouvant rien, elle est repartie vers la montagne de Safa. Puis elle est revenue encore vers la montagne de Marwa. Et cela à 7 reprises. Shah al-Islam nous rappelle que c'est là l'origine de ce qu'on appelle le sa'i, c'est-à-dire de la course que durant le pèlerinage on effectue entre le mont Safa et le mont Marwa. Exactement comme Sayyidina Ibrahim a prié tout à l'heure, Wa arina manasikana, et montre-nous, indique-nous nos rites. Voilà que cette course fait partie des rituels du pèlerinage que nous accomplissons à Mecca, à la Mecque. As-Sa'i bayna al-Jabalayni, cette course entre les deux montagnes de Safa et de Marwa. Ne trouvant pas d'eau, voilà que Hajar est revenu vers son fils et elle l'a vu. Elle l'a trouvé mort, elle l'a trouvé inanimé. Alors Allah a envoyé Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril a frappé son pied, a frappé avec son pied, il a frappé le sol. Et voilà qu'une source, voilà qu'un puits, voilà que le puits de Zamzam s'est mis à jaillir. Et l'eau a coulé et coulé jusqu'à devenir Bahran comme un bras de mer. Alors Jibril a voulu calmer l'écoulement de l'eau. Il s'est adressé à l'eau en disant Zam, Zam, pour dire du calme, du calme. Et c'est de là dont provient le nom même du puits et de l'eau, le puits des Zamzam et l'eau bénie de Zamzam. Alors l'eau s'est calmée dans son écoulement. Shah al-Islam nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yarhamullah Ismail, Lao taraktu zamzam, lakanati aynan ma'inan. Qu'Allah fasse miséricorde à la mère, à la maman d'Ismaïl. Si elle n'avait pas puisé à l'eau de Zamzam, ça aurait été encore une rivière coulante. Ainsi donc, Zamzam nous précise Baï, nul n'en connaissait la présence, illallahi tabarak wa ta'ala, à part Allah. Lui, Allah, qui avait fait pénétrer par cette eau le sol aride de Makkah. Ainsi donc, Hajar en a bu et elle a fait boire son fils Ismaïl. Il y avait alors, à ce moment, il y avait une tribu de chasseurs qui s'était aventurée dans le désert et eux-mêmes ils n'avaient plus rien à boire et ils ne trouvaient rien à boire. Shah al-Islam nous dit فنظروا إلى الطائر يهوم حول هذه المرأة. Alors ils ont vu des oiseaux qui tournaient autour de cette femme, Sayyida Hajar. En voyant ces oiseaux, ces hommes ont dit Subhanallah, هذه الطيور لا ترى إلا في محل فيه ماء. Mais Subhanallah, ces oiseaux-là, ce genre, ce type d'oiseau, on ne le voit que dans des endroits où il y a de l'eau. Mais où est-ce qu'ils ont bien pu trouver de l'eau dans ce désert aride qui s'étend? Alors ils se sont approchés et ils ont trouvé le puits de Zamzam et ils ont trouvé auprès du puits, ils ont trouvé Hajar et Ismaïl. Ils ont demandé à Hajar l'autorisation de pouvoir boire de cette eau. Elle leur a répondu Naam, walakin lahqalakum fihi. Oui, mais ce puits ne vous appartient pas, vous n'avez pas de droit sur ce puits. Alors ils en ont bu, puis ils ont demandé à pouvoir s'établir dans cette région, à pouvoir s'établir à proximité du puits de Zamzam. Eux, Wahum, Djurhum, Arab. Eux, c'était la tribu de Djurhum, une tribu arabe. Ainsi, nous dit Baï, Sayyidina Ismaïl a grandi étant lui-même un arabe, parmi les arabes, en tant qu'arabe, étant lui-même un arabe. Lorsque le temps est passé, voilà que Sayyidina Ibrahim a demandé auprès de Sarah à pouvoir aller rendre visite à Hajar et à son fils Ismaïl. Sarah, très jalouse comme nous l'avons vu, de la même manière que Sayyidina Ibrahim était très jaloux lui-même, lui a répondu que « Naam, bisharti an la tanzilu ala jamal »« Oui, à condition que tu ne descendes pas de ta monture, que tu ne descendes pas de ton chameau. » Alors, Sayyidina Ibrahim est parti voir Hajar et Ismaïl. Arrivant sur place, il a trouvé qu'Ismaïl était absent, mais il a trouvé dans la maison de son fils une femme. S'adressant à elle, il l'a saluée. Assalamu alaikum. Aina ba'lak. Assalamu alaikum. Dis-moi, où est ton mari? Où est ton époux? Celle-ci lui a répondu, je ne sais pas où il est parti. Sayyidina Ibrahim lui demande, Entum bi khair? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout va bien? Voilà que la femme, l'épouse d'Ismaïl lui répond, là, non, lasna bi khair. Rien ne va bien. Est-ce que, Sayyidina Ibrahim lui demande, est-ce que vous avez des vivres? Est-ce que vous avez de quoi vivre? Celle-ci lui répond, on n'a rien. Ma indana shay'un, nous ne possédons rien. Mon mari est parti à la chasse. Peut-être va-t-il trouver quelque chose pour que nous mangions, mais autrement, wa illa fanahnu bishar halati. On est dans la pire des conditions, dans la pire des situations. Wa ma akdharu su'alik. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces questions? Qu'as-tu à me poser autant de questions? Sayyidina Ibrahim lui répond alors que lorsque ton mari va revenir, salue-le de ma part et transmets-lui cette parole. Dis-lui, Yurayru atabati babu baytihi. Dis-lui de changer le pas de sa porte. Ainsi, lorsque Sayyidina Ismaïl est revenu de la chasse, son épouse lui a dit qu'il y a un homme qui est venu, qui m'a posé beaucoup de questions et il m'a demandé de te transmettre Annaka Yurayru atabati babi. Que tu dois changer le pas de ta porte. Sayyidina Ismaïl, comprenant immédiatement, a dit à sa femme que Zalika Abi Ibrahim, que cet homme-là, c'est mon père, Ibrahim. Et il me demande de te répudier. Donc, je te répudie. Wa anta taliq. Le temps passant, Sarah a permis à nouveau à Sayyidina Ibrahim d'aller rendre visite à Hajar et à Sayyidina Ismaïl. Mais voilà que Hajar était alors décédé. Sarah a précisé encore une fois à Sayyidina Ibrahim alayhi salam que tu peux aller les voir, mais à la condition que tu ne descendes pas de ton chameau. Sayyidina Ibrahim est donc revenu une nouvelle fois et il a trouvé qu'Ismaïl était sorti. Il était sorti à la chasse. Mais il a trouvé une autre femme, Mar'atu Thania, il a trouvé une seconde épouse. Comme pour la précédente, comme pour la première, Sayyidina Ibrahim lui a adressé le salam, s'est adressé à elle, en lui demandant, s'est approché d'elle plutôt. Et voilà que, voyant Sayyidina Ibrahim approcher, l'épouse, la nouvelle épouse de Sayyidina Ismaïl, s'est dit, Ahad Ba'ali, mais est-ce que c'est mon mari? Mais mais comme cet homme est beau, il ressemble tellement à mon mari. Wallahi, Ma yamizu bainahuma illa shay'un faqat. Wallahi, il n'y a aucune différence entre cet homme et mon mari, sauf que celui-ci, il a les cheveux blancs. S'adressant à Sayyidina Ibrahim, voilà que cette nouvelle épouse lui dit « Anzil, Anzil, mais descends, descends !» Sayyidina Ibrahim lui répond « La Anzil, walakin kayfa antum ?»« Non, je ne vais pas descendre de mon chameau, je ne vais pas descendre de ma monture, mais comment allez-vous » Celle-ci lui répond « Nahnu bikhair, nous allons bien, on n'a besoin de rien, et mon mari, il va bientôt revenir. Viens avec moi, viens l'attendre. Anzil, ata arsilu qadimuka, qadamika, pardon. » Descends et je vais pouvoir te laver les pieds. Sayyidina Ibrahim lui répète que non, non, je ne vais pas descendre. Alors, la femme a apporté une pierre. Elle a apporté une pierre qu'elle a placée sous le pied de Sayyidina Ibrahim. Le pied ainsi posé sur la pierre, la femme a lavé le pied droit de Sayyidina Ibrahim, puis a lavé son second pied. C'est pour ça, nous dit Baï, que jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, il a yawmina hadha, jusqu'à nos jours, il reste l'empreinte des pieds de Sayyidina Ibrahim sur cette pierre. Lorsque, après le départ de son père, Sayyidina Ismail est revenu de la chasse, il a dit que Anna ashamu raihata Ibrahim fil bayti. Je sens le parfum, je sens l'odeur d'Ibrahim dans la maison. Sa femme lui dit qu'il y a un homme qui est venu. Et il n'y a aucune différence. La farqu baynaka wa baynahu ila shay'in faqat. Il n'y a aucune différence entre toi et lui. Sauf que lui, il a les cheveux blancs. Il m'a demandé de te transmettre le salam et il m'a demandé de te dire de bien garder, consolider et préserver le pas de ta porte. Sayyidina Ismail, alayhi salam, dit à son épouse que Darika Ibrahim, que c'est mon père Ibrahim qui est venu et qui t'a prononcé ces mots-là, qui t'a adressé ces mots-là. Et il m'a demandé de te garder, de ne pas te répudier. Puis par la suite, Sayyidina Ibrahim est revenu. Mais, nous dit Baï, il est revenu cette fois-ci avec un ordre, avec un commandement de la part d'Allah tabarak wa ta'ala. S'adressant à son fils, il lui dit, Ya Ismail, in Allah amarani, an abnayallahu baytan huna, wa amaruka an ta'inani. Que Allah, ô Ismail, Allah m'a donné l'ordre de lui construire baytan, de construire pour lui ici une demeure. Et il te donne l'ordre de m'assister, de m'aider dans cette construction. Sayyidina Ismail alors a obtempéré et a aidé son père, Sayyidina Ibrahim, dans l'édification minel baytillah de la demeure d'Allah. Charles Islam nous précise que Ibrahim yatakallamu bil abarania, wa Ismail yatakallamu bil arabia. Sayyidina Ibrahim, lui, il parlait ibarania, c'est-à-dire il parlait hébreu. Et Ismaïl, lui, il parlait l'arabia, il parlait l'arabe. Walakin, kulahuma yafhamu anil ukhra. Mais chacun d'entre eux comprenait l'autre. Walla yatakalamu bil lughatil ukhra, sans pour autant parler la langue de l'autre. Lorsque idhan nataqa Ismaïl, sama'a Ibrahim, walla yatakalam. Lorsque Ismaïl parlait, Ibrahim écoutait et il ne parlait pas. Et lorsque Ibrahim parlait, c'est Ismaïl qui écoutait et qui ne parlait pas. Ainsi donc, tous les deux, ils ont construit et érigé la Kaaba sur ce lieu béni et sacré de Makka ou de Bakka pour la quatrième de ces édifications, avec toutes les grâces et toute la baraka qui est liée à cet endroit béni de Makka. Malheureusement, suite à cette génération bénie, malheureusement, génération après génération et au fur et à mesure du temps, les gens de la péninsule arabique se sont éloignés du monothéisme primordial de Sayyidina Ibrahim, alayhi salam, que Allah mentionne comme étant Dini Hanifan, la religion Hanifan, le monothéisme pur. Les gens de la péninsule arabique s'en sont éloignés de telle sorte qu'ils se sont même mis à inventer des divinités et à façonner des idoles dont ils ont rempli le sanctuaire sacré et même l'intérieur de la Kaaba. Il y avait alors 360 idoles qui étaient érigées dans ce lieu sacré. Les gens croyaient en Allah, mais ils croyaient également en d'autres divinités comme Lat, Al-Uzza, Manat, Hubal et d'autres encore, qu'ils associaient à Allah. Malgré cela, il y a toujours une partie d'entre eux qui est restée fidèle à la religion hanifane de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qu'on appelle les Hunafa. Ce sont eux d'ailleurs qui sont l'incarnation de cette prière exaucée de Sayyidina Ibrahim. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Et fait que parmi ma descendance, parmi ma postérité, il y ait toujours une communauté qui te soit soumise pleinement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bu'ithu min khayri quruni bani Adam qarnan fa qarnan lam yaftariq sha'batani illa kuntu fi ghayri hima. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici: Bu'ithu min khayri qurunin bani Adam, que j'ai été envoyé, j'ai été suscité parmi la meilleure génération des fils d'Adam, qarnan fa qarnan, et cela génération après génération. Lam yaftariq sha'batani illa kuntu fi ghayri hima. Génération après génération, à chaque branche, à chaque ramification de la descendance d'Adama, je fais partie, illa kuntu fi ghayri hima, je fais partie de la meilleure de ces branches, de la meilleure de ces ramifications. Ainsi donc, aucun membre de cette lignée, aucun membre de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis Sayyidina Ismaïl, depuis Sayyidina Ibrahim, aucun membre de cette lignée ne contient d'associateur. Aucun associateur ne fait partie de cette lignée. L'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, rapporte lui-même la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adnan. Il dit: Fahuwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abdullahi, Ibn Abdul Muttalib, Ibn Hashim, Ibn Abdul Manaf, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn Murrata, pardon, Ibn Ka'abin, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadri, Ibn Kinana, Ibn Khuzaima, Ibn Mudarika, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'adi, Ibn Adnan. Ici, la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête à Adnan. C'est là que la généalogie est la plus sûre. Ainsi donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le fils d'Abdallah, qui lui-même est le fils d'Abd al-Muttalib, qui lui-même est le fils de Hashim, qui lui est le fils d'Abdou Manaf, qui est le fils de Qusay, qui est le fils de Kilab, qui est le fils de Murata, qui est le fils de Ka'b, qui est le fils de Lu'ay, qui est le fils de Ghalib, qui est le fils de Fihr, qui est le fils de Malik. Et Fihr ibn Malik, c'est lui Quraysh, qui lui est le fils Malik, qui est le fils de Nadri, qui lui est le fils de Kinana, qui lui est le fils de Khuzaima, qui lui est le fils de Mudarika, qui lui est le fils de Ilyas, qui lui est le fils de Mudar, qui lui est le fils de Nizar, qui lui est le fils de Ma'adi, qui lui est le fils de Adnan. Ensuite, entre Adnan et Ilyas, il y a des trous dans la généalogie, mais Adnan est un descendant direct de Sayyidina Ismaïl, alayhi salam, comme le montre d'ailleurs le hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: In Allah astafa Kinana min waladi Ismail, wastafa Quraishan min Kinanata, wastafa min Quraishin bani Hashimin, wastafa ni min bani Hashimin. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: In Allah astafa Kinana min waladi Ismail, que Allah a choisi, a élu Kinana parmi les fils d'Ismaïl. Kinana, qui est le père de Nadr, qui est le père de Malik, qui est le père de Fihr, c'est-à-dire Kinana, qui est le grand-père de Quraysh. Wastafa Quraishan min Kinana. Ainsi, Allah a choisi, a élu Kinana parmi les fils d'Ismaïl. Il a élu Quraysh parmi les fils de Kinana, Quraysh, c'est-à-dire Fihr ibn Malik. Wastafna min Quraishin bani Hashimin. Et il a, parmi les descendants de Quraysh, il a choisi, Allah a choisi Bani Hashimin, le fils de Hashim, wastafani min Bani Hashimin, et il m'a choisi moi parmi les fils de Hashim. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc parmi les descendants de Ismaïl, et il fait partie de la tribu de Quraysh et appartient à la famille de Bani Hashim. Hashim était un homme d'une très grande influence dans l'immensité de la Mecque. Depuis Qusay ibn Kilab, qui donc fait partie de cette généalogie, C'est eux, c'est cette tribu qui s'est chargée de recevoir les nombreux pèlerins qui ont toujours afflué de partout pour faire leur pèlerinage à la Kaaba, mais aussi aux nombreuses idoles qui souillaient la Kaaba de leur présence. Hashim était également responsable des expéditions de ravitaillement qui étaient menées l'hiver en direction du Yémen et l'été en direction de Cham. Ce sont d'ailleurs ces mêmes expéditions qu'Allah mentionnera encore dans le Coran, dans la sourate Quraysh, en mentionnant Rihlat ash-Shitaa'i wa Sayf, les caravanes d'hiver et d'été. C'est durant l'une de ces expéditions que Hashim fit halte dans la cité de Yathrib, car si Makkah, c'est originellement une cité, un désert aride, voilà que Yathrib, qui deviendra et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Madinatul Munawwara, c'est une oasis verdoyante. Ainsi donc, dans ces expéditions de ravitaillement, ces expéditions commerciales auxquelles Hashim dirigeait et auxquelles il participait, voilà qu'une fois, il a eu à faire halte dans la cité de Yathrib. Là-bas, il a épousé une femme de Yathrib et celle-ci lui a donné un fils qu'il a nommé Shayba. Shayba a très vite montré des signes très précoces d'intelligence et de maturité. Par la suite, lorsque Hashim est mort assez précipitamment, le frère de celui-ci, son frère Muttalib, est parti jusqu'à Yathrib pour chercher le jeune Shayba afin de faire de lui, à la Mecque, l'héritier de son père, dans ses fonctions et dans sa présence. Ainsi, à la Mecque, lorsque Muttalib est parti chercher Shayba, en arrivant, il le portait sur la même monture. Celui-ci, Shayba, était sur la même monture que lui. Et lorsqu'ils sont arrivés à la Mecque, les gens l'ont vu avec un jeune homme derrière lui en selle, un jeune homme qu'il n'avait jamais vu, que personne ne connaissait et que personne n'avait jamais vu, parce que Shayba avait grandi à Yathrib, parce que Shayba avait grandi dans l'oasis prospère de Yathrib, loin du tumulte de cette grande ville qu'était Makkah. Et lorsqu'ils ont vu ce jeune homme, ils ont dit que, ah tiens, Muttalib a dû s'acheter un nouvel esclave. Et bien que Muttalib les a stoppés, bien que Muttalib les a rectifiés en leur disant qu'il s'agit de mon neveu, c'est le fils de Hashim, c'est pas un esclave, c'est par cette appellation, c'est par ce surnom que Shayba a été nommé. Ainsi, Shayba a été nommé pour toujours Abdel-Muttalib, c'est-à-dire l'esclave de Muttalib. Ainsi donc, par la suite, à la Mecque, Abdel-Muttalib a grandi, a vieilli, et il a vu son autorité et son influence s'accroître et grandir. Mais l'époque était tellement sombre que même le puits de Zamzam, non seulement la Kaaba avait été souillée par la présence de toutes ces idoles, de toutes ces divinités, de toutes ces statues, même à l'intérieur de la Kaaba, mais même le puits de Zamzam avait été perdu. Mais la noblesse d'Abdel-Muttalib, sa noblesse d'âme, était telle que c'est lui qu'Allah a choisi pour retrouver et déterrer le puits de Baraka de Zamzam. À cette époque, à l'époque où il a déterré, où il a trouvé le puits de Zamzam, Abdel-Muttalib, il n'avait qu'un seul fils. Et dans cette société, la société de l'époque, la société tribale, une société patriarcale, n'avoir qu'un seul fils, c'était une grande peine. Il a donc prié Allah que si Dieu, puisqu'il n'adressait ses prières qu'au Dieu unique, que si Allah lui donne 10 fils, jusqu'à l'âge adulte, il fait le serment d'en sacrifier un. Évidemment, Allah l'a exaucé et lui a accordé de nombreux fils, parmi lesquels des hommes qui joueront une grande place dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sidi Hamza, Al-Abbas, Abu Talib, mais aussi Abu Lahab, et bien sûr Abdallah, le futur père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque chacun de ses fils sont arrivés à l'âge adulte, voilà qu'il a fallu s'acquitter de ce serment, c'est-à-dire du serment de sacrifier un de ses fils, si Allah lui accordait 10 fils qui arrivent jusqu'à l'âge adulte. Pour savoir lequel de ses fils il faudra sacrifier, ils ont procédé à un tirage au sort par des flèches, comme ça se faisait en ces temps-là, et le sort a désigné Abdallah, c'est-à-dire le plus jeune fils d'Abdel-Muttalib et son fils favori. Mais ne pouvant pas se résoudre à sacrifier son fils de ses propres mains, Abdel-Muttalib a cherché le moyen d'expier son serment et ainsi de racheter la vie de son fils. Une prêtresse lui a conseillé de faire valoir le prix du sang qui était alors de 10 chameaux. Ainsi, par un procédé de consultation du sort, on tira à nouveau les flèches. Si les flèches désignent les chameaux, alors Abdallah est sauf. Si elles désignent Abdallah, alors il faut rajouter encore 10 chameaux. La manœuvre, elle a été répétée 10 fois. C'est donc 10 chameaux qu'il a fallu pour racheter la vie de cet homme hors du commun que fut Abdallah ibn Abdelmontalib, c'est-à-dire Abdallah, le père du messager d'Allah, le père du Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.